donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici à l'antenne de Radio Johnny de A à Z, ici sur Facebook, sur le post Facebook Johnny de A à Z sur RIG. Non, l'émission n'est toujours pas diffusée sur RIG car confinement oblige encore. Mais donc, depuis 4 semaines, je vous présente une émission à la maison, voilà, hein, pour pallier ce manque d'émissions via la radio et via le réseau internet. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la 13e émission hors série Johnny de A à Z. Faites à la maison. J'espère que tout va bien pour vous, que ben, vous vous occupez tant que bien que mal. Hein. De mon côté, je m'occupe également à vous présenter une petite émission qui, je pense bien, vous fait plaisir, hein, le lundi, le mercredi, le vendredi, à partir de 17h. Aujourd'hui, que vous ai-je proposé la semaine, lundi, on avait écouté Les Nocturnes avec Georges Lang. C'était une rediffusion donc d'une émission de 2013. Et un an plus tard, c'était par contre lors des Nocturnes. Oui, on va faire encore des Nocturnes avec Georges Lang, l'ami Georges Lang de RTL. Don Woz était l'invité de Georges Lang dans Les Nocturnes. Mais évidemment, Don Woz n'est pas venu les mains vides, on va dire, en quelque sorte. Hein. Il est venu accompagné de Johnny 10 minutes avant de prendre l'antenne. Et donc, toute la programmation a été un peu bousculée. Et Johnny a diffusé quelques extraits du titre du futur album qui était en 2014, Restez Vivant. Et donc, on va écouter d'autres titres également, comme Bob Seger, comme Elvis Presley, Garth Brooks. Johnny parlera de Garth Brooks, qui adore cet interprète. Et moi aussi, j'adore cet interprète-là. Je le connais depuis plus de 20 ans, cet interprète. Et vraiment, c'est excellent. Je vous conseille d'écouter Garth Brooks. Et si on est parti, pour écouter cette émission qui a été diffusée donc le 23 octobre 2014, Don Woz était l'invité de Georges Lang pour cette fameuse émission Les Nocturnes. Allez, c'est parti pendant une heure. Une heure. Bonne émission à vous toutes et toutes. Et voilà, nous allons démarrer donc cette émission, une émission spéciale, vous le savez, puisque je vous l'ai dit hier. Don Woz est mon invité. Est-ce qu'il est là, Don Woz? Are you here, Don Woz? Hello, man, how you doing? Il est là, et je ne vous en dis pas plus tout à l'heure. Surprise. Voici tout de suite Pop Seger, Detroit Man. Man, Bob Seger and the Silver Bullet Band. Don Woz est dans mon studio, je suis ravi de l'accueillir, mais il n'est pas venu seul, figurez-vous que les surprises, on ne les compte plus actuellement dans notre maison, et c'est tant mieux. Who is the guy close to you, Don? Est-ce que tu peux me dire qui est le gars qui est assis à côté de toi? He is the greatest singer in the world. Really? The best. What is his name? What is his name? His name is Johnny Hallyday. C'est pas vrai. Hello. Qu'est-ce que tu fais là? C'est beaucoup d'honneur que Don Woz me fait. Mais bon, on a fait cet album ensemble. Et que, bon, cet album sort. Et ça a été un moment tellement inoubliable pour moi. Tellement formidable, oui, de travailler déjà avec lui, avec tous ces musiciens formidables qu'il m'a amené, que bon, ça, pour moi, c'était un bonheur, voilà. C'est génial quand même que tu sois venu. Et comme il venait ce soir te voir, je me suis dit, et comme t'es mon pote, je me suis dit, je vais venir aussi. Bon, ouais, je vais pas longtemps, mais je vais venir un petit peu, en tout cas au début, voilà. Tu m'as dit, tu restais 10 heures, c'est ça? Non, je suis venu vous faire un coucou, voilà. C'est gentil. Johnny, présente-nous les autres personnes qui sont là, à ta droite, donc. Alors, il y a Bertrand Lamblot, qui a été le directeur artistique de mon album. Oui. Et à ma gauche, il y a mon inévitable manager, Sébastien Farran. Oui. Voilà, et moi, j'ai connu les Farran, mais d'époque. J'ai connu son grand-père qui était le patron de RTL commencé à faire ce métier. Mon boss, ouais. Voilà, et maintenant, le petit-fils est devenu mon manager, voilà. Alors, Sébastien, quelle surprise, c'est sympa d'avoir amené Johnny. Qu'en fait, sans toi, il se passe rien, quand même. Non, ouais, c'est un peu... Non, tu vas un peu trop vite. Non, sans lui, il se passe rien, parce que je confirme. Ça va trop vite. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que... Tout ce que j'ai pas envie de faire, je lui dis, et lui, il me force à le faire. Bon, j'en fais un peu plus. C'est la question, c'est ça. Est-ce que vous avez une offre à faire? Oui, alors fais la meilleure offre et tu peux rajouter quelque chose en plus. Non, mais ce qui est incroyable, c'est ce qu'il vient de dire, c'est qu'effectivement, il a commencé à travailler avec mon grand-père. Et maintenant, je travaille avec lui. Et j'ai connu Sébastien, il était en culotte courte, voilà. Ouais, je dirais la même chose, Johnny. Je lui ai dit juste avant que l'émission ne commence, l'autre jour, il n'y a pas longtemps, sur l'antenne, j'ai passé un jingle où il a cette voix d'enfant. Il me dit qu'il a 7-8 ans, il n'avait pas encore muet. C'est très touchant, il est mignon comme tout, hein, parce que c'est le fils de Dominique Farran. Et son père, Dominique, Dominique faisait WRTL avec moi, avec Jean-Bernard Rébé, avec Bernard Chu. Laetitia est là, bonsoir Laetitia. Qu'est-ce que tu bois? Viens près du micro pour nous dire ce que tu bois. Hein, tu n'oses pas le dire, hein? C'est quoi? Dis-moi, donne-moi la recette. Une bière. De la bière. Dans un verre de vin. Ma femme boit de la bière, ce qui est bon, ce qui est étonnant quand même. Parce que moi je suis belge, j'en bois pas, elle n'est pas belge, elle en boit. Bon. Vous l'avez compris, on va passer un très très bon moment ensemble parce qu'on a envie de parler musique et c'est comme ça que je conçois la radio, Johnny, Don. Moi, la musique, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Mais tu sais... Avec l'amour, bien sûr. Écouter de la musique comme ça, entre copains, c'est comme si on était à la maison, je le disais à Don. It's like to be at home playing music, you know, Don? Yes, I like this. This is very cool. Ouais. You fucking like it? I fucking like it too. Alors, on a peut-être quelque chose à vous faire entendre qu'on n'a jamais entendu. Ça, c'est Sébastien qui nous a dit ça. On a peut-être un titre inédit de l'album de Johnny, c'est ça? J'ai rien demandé, c'est toi qui me l'as proposé. Non, c'est ça. En fait, vous avez un DJ phénoménal, parce que Don va être le DJ ce soir et tout, et il va commencer C'est lui qui l'a réalisé, cet album. Voilà. Il va commencer par le titre qu'on aime vraiment tous de l'album, parce que c'est le titre éponyme de l'album et qui va être le titre de la tournée, etc. Donc voilà. C'est Rester Vivant. Rester Vivant. On va vous l'envoyer là tout de suite. Alors, pour nos auditeurs, je raconte un peu. Vous êtes en face de moi. Il y a 5 personnes. Hein. Bertrand, Johnny, Don, Sébastien et Laetitia. Et devant Don, il y a un ordinateur, un Mac. Et c'est lui qui va envoyer le disque sur cette antenne. Play whatever you want, whenever you want. Go ahead. Good. Let's do it. Done. So I'm just going to hit play. This is okay, right? Yeah. We won't get. Are you all right? Vous êtes tous d'accord, parce que pas d'histoire par la suite. Hein. Moi, j'ai rien demandé. On y va. On écoute. Let's try this. It doesn't work. It takes time. Ça me travaille. de commencer. Super exclusivité donc pour nous, un titre inédit sur l'album de Johnny, Restez Vivant. Alors Bertrand, toi qui es le directeur artistique de cet album, comment tu as fait pour avoir Don Was dans l'équipe qui s'est intéressée à Johnny pour son nouveau disque? Ça c'est il a raison. Il a dit comment j'ai fait pour avoir Johnny Hallyday? Ah oui. Première question. En fait, Johnny voulait absolument un réalisateur américain pour cet album. Et on a échangé des idées. Le nom de Don est venu dans nos discussions. Et j'avais rencontré Don il y a quelques années via Bob Clearmountain, qui est le mixeur qui mixe les albums de Johnny depuis maintenant 15 ans, qui le connaissait bien. Et Bob a arrangé la rencontre entre Johnny et Don. Voilà, ça a été très simplement. C'est une idée de Johnny à la base qui adorait les albums que Don avait produits. Mais aussi parce que j'avais entendu plein de réalisations de Don Was, de Dylan, des Stones, etc. Alors, Don, question. Yes, sir. Are you proud of working for Johnny? Qu'est-ce que tu es fier de travailler pour Johnny Hallyday? Oh yeah, no, it's a really great honor, man. You know, and it's not only an honor, but it was a lot of fun. And yeah, it's a beautiful record. It's one of my favorite records I've ever worked on. C'est un grand honneur, et pas seulement un grand honneur, mais un vrai plaisir. Et ce disque est un des disques que je suis le plus fier d'avoir fait dans ma carrière. Could you imagine before meeting him that he was so huge, so great, so popular in France? Est-ce que tu imaginais, avant de venir ici, qu'il était si populaire, si énorme chez nous en France? Well, no, I was aware of that. You know, musicians in the United States, they all know Johnny. They know that he's an amazing singer, you know. And so when they called, I was thrilled to make the record. But it is something to come over here and play. We did some TV shows this week. I got to play bass with the band. And to see the crowd's reaction to Johnny, This is real deep. They sing the Johnny Hallyday song, and he's so charismatic, you know. He's very charismatic, and you see the joy in the people's faces is really, really something. On va peut-être traduire ce qu'il a dit, Don Was. Tous les musiciens aux États-Unis connaissent très bien Johnny et le reconnaissent comme un des plus grands chanteurs. Donc il était très honoré de le faire. Et c'est vrai que de venir en France et de réaliser la stature de Johnny a été une histoire supplémentaire pour Don. Et il a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer de la basse, puisqu'il vient de faire quelques promotions avec Johnny, où il a pris la basse pour venir. Il sera chez nous d'ailleurs sur l'antenne le 15, puisqu'on a enregistré au Grand Studio hier 4 titres de Johnny, et c'est Don qui tient la basse. Exactement. Donc on aura l'occasion de le revoir. Il fera la tournée ou pas avec nous? Non, Don ne fera pas la tournée avec moi parce que Don a autre chose à faire. il a d'autres projets. Mais on a un prochain projet ensemble pour un album de duo avec des tas d'artistes que j'aime. Et ça, c'est en... Je ne dis pas quand on va le faire, mais c'est un projet qu'on a. Voilà. Johnny, il y a un an et demi, tu étais dans ce même studio, à la même place d'ailleurs. Oui, quand tu es rentré dans le studio, tu étais assis immédiatement à ta place, ce qui veut dire que tu as pris possession du studio. On a discuté, on a parlé de radio, parce que j'adore la radio Los Angeles. Et tu m'as dit que toi, tu écoutais Highway FM quand tu étais en voiture, que tu aimais bien ça. Je suis allé à Los Angeles, là, il y a peu de temps, et j'ai écouté cette radio. Et j'ai écouté une promo, une pub pour un endroit que j'aime bien. Je m'y suis arrêté d'ailleurs. C'est entre Los Angeles et Las Vegas, près de Barstow, à hauteur de Calico. Ouais. Il y a un endroit qui s'appelle Pegisu. Et j'ai une... Ah, Pegisu, tu connais? Pegisu, pretty, Pegisu, oh, Peggy, écoute, my Pegisu. Écoute la pub de ce restaurant. Okay. Si tu connais pas, il faut que tu y ailles. Tu vas devenir dingue comme moi. D'accord. Moi, j'ai acheté tout le magasin. Hello, baby. Hey, guys and gals, there's no diner finer than Pegisu's Nifty 50s Diner, just outside Barstow on the I-15. It's an original 1950s diner with great juicy hamburgers, chili fries, and cool big shakes, ham and eggs for breakfast, and oldies but goodies on the jukebox. Visit Peggy Sue's Pizza Parlor. Old-fashioned pizza made with fresh tossed dough. Shop at the new old-fashioned Five and Dime with gifts, memorabilia, and souvenirs, including Elvis. Peggy Sue! Peggy Sue, the King Kong of Diners. The King Kong of Diners, a-t-elle dit. Écoute. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. J'adore Elvis. Alors, je savais que je te ferais plaisir. Toujours rock'n'roll, Johnny, toujours. Qu'est-ce que t'écoutes? C'est même pas une question d'être rock'n'roll, c'est une question, bon, Elvis a une voix d'or. Je n'ai jamais, même dans les chanteurs ténors de chanteurs classiques, j'ai jamais entendu une voix comme Elvis. Elvis, c'est... Voilà, c'est Elvis. Il peut chanter ce qu'il veut. J'adore Elvis, ouais. Et quand tu te souviens de la première fois que tu l'as entendu, c'était... La première fois que j'ai entendu Elvis, bon, c'était dans un film Love Me Tender. Non, c'était pas Love Me Tender, c'était Loving You. Loving You, oui. Où je l'avais vu, il était bien comme... Bon, je me suis trompé de film et je croyais que c'était un western, mais c'était pas un western. Mais c'est là que j'ai découvert Elvis. Et pour moi, Elvis n'a jamais quitté ma vie. J'adore Elvis. Tu l'écoutes voilà. De temps en temps, comme ça, à la maison, en voiture. J'ai pas beaucoup d'idoles dans ma vie, mais j'en ai une, c'est lui en tout cas. Oui. Don, what about Elvis? You're younger than Johnny. You're younger than me. You're 62. I can tell it. It's too late now. I've said it. J'ai dit qu'il avait 62 ans. Il est plus jeune que Johnny, plus jeune que moi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Johnny? What do you think about Johnny and about Elvis? Elvis is amazing, man. The music, it holds up so well today. You know, the spirit of it and the charisma of his voice. He's incredible, man. Those records will be around forever. Et quelle que soit la musique d'aujourd'hui, tout vient d'Elvis. C'est-à-dire que ce soit le rhythm and blues, que ce soit le rock and roll, que ce soit les ballades, les slow, tout vient. On a tous eu envie de faire cette musique because of Elvis. C'est ce que je pense. Est ce que je dis. Bertrand, tu peux traduire ce qu'avait dit Don avant? Elvis est un artiste absolument incroyable et l'esprit et le charisme de sa voix, l'esprit de sa musique et le charisme de sa voix résistent au temps et sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est un des plus grands artistes au monde. Si je te demandais un titre, Johnny, d'Elvis, plus particulièrement, peut-être que je l'ai là en magasin, sous la main, qu'est-ce que tu voudrais écouter? D'Elvis? Oh, mais d'Elvis, moi j'adore... là comme ça me... No Sweet Shoes, Tutti Frutti, des trucs comme ça, ou bien l'époque Sun, je sais pas. J'entends pas très bien. Je te demandais si tu voulais entendre un titre particulier. Oui, j'ai entendu ça. Oui. Mais je les ai presque tous là, les titres. Burning Love, voilà. Burning Love, c'est une chanson géniale. Oui, on va voir si on l'a, puisque c'est par ordre alphabétique, il n'y a pas de problème. Normalement, on devrait l'avoir. Bah tiens, il est là. Tu sais, chez nous, c'est simple. Hein. On a envie d'écouter un disque, on le met. Excuse-moi, je ne te réponds pas tout de suite, je n'ai pas d'écouteur. Bon, alors je ne t'entendais pas. Tu as un casque à ta disposition. Oui, mais bon, je n'avais pas de casque, voilà. Ok, allez, on écoute Burning Love. Burning Love. et vous écoutez une rediffusion des Nocturnes du jeudi 23 octobre 2014. Johnny était l'invité, entre autres, que Don Was. Choisi par Johnny Hallyday, qui est dans mon studio aux côtés de Don Was. Don, everything's all right, tout va bien? Oh, fantastic. Fantastic. This is fun. Good show, you guys. Johnny? Oh, moi, quand j'entends Elvis, je suis au paradis. Ça fait plus de 10 minutes que tu es là, mais je ne dis rien. Je ne regarde pas la pendule pour toi. Bertrand, tu es aux anges, ça va? Ben, moi. Quant à Laetitia, elle a dansé comme une Bertrand adore Elvis aussi. Exactement. Bon, alors, en plus, tu sais que Burning Love, c'est une des chansons préférées d'Elvis de ma femme. Ah oui? Bah oui, j'ai bien vu, t'as vu comment elle a dansé derrière. Ah oui, mais t'as vu, elle a commencé à danser là. Ouais, fou, c'est dingue. Alors, Sébastien Farron, qui est le manager de Johnny, voudrait rétablir une vérité, parce que tout à l'heure, j'ai dit quelque chose qui était complètement faux. Tu as fait une phrase de français. Tu as dit que Don était très cher. Ouais. Et je voulais juste rétablir le truc en disant que Don vient gratuitement, évidemment, ici, qu'il a fait toute la promo gratuitement, parce qu'il a envie de jouer avec Johnny et que c'est comme ça qu'il a fait les choses. Quoi. Oui, voilà. Hors micro, tu m'as dit c'est rare pour un Américain. Bah voilà, exactement. On a l'habitude de devoir dealer avec tous et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pensez qu'au pognon, t'as tout à fait raison et c'était comme ça. C'est vrai que chaque fois en France qu'on parle de quelque chose, c'est combien ça coûte, combien il a touché, combien. Exactement. Il y en a marre de ça. Non, c'est super. C'est un artiste qui a eu, enfin, Don est un producteur qui a eu 3 Grammy Awards, ce qui est quand même la consécration absolue pour n'importe quel producteur. Et son humilité ne fait que. D'ailleurs, allez voir sur Wikipédia, il y a 3 pages d'albums qui a produit. C'est fantastique, c'est. Ouais. Don, we're so proud to have you tonight in this show with Johnny, and we were talking about you. We were saying that you came. You're a great person. For free? For free? C'est vrai ça? Is it true? I'd have paid. I don't tell them. Yeah, I paid them to do this. This is a great thrill, man. Ok, alors on va peut-être écouter quand même le single qui a été la révélation quand on l'a reçu, le premier titre de l'album de Johnny. Qui va me parler de l'album? C'est peut-être Bertrand qui est directeur artistique. Qu'est-ce qu'il va dire? Cet album, il est plus rock, quoi, incontestablement. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule. Johnny, il avait vraiment envie d'un producteur américain pour retrouver les racines qu'il aime dans cette musique. Et le choix des chansons et le travail que Don a accompli nous a permis de le faire. Et regarde-nous, on a un exemple. Oui, alors, les gens qui ne savent pas, nos auditeurs sont pas tous au courant, à quoi sert un producteur dans un album? C'est la personne qui dirige, qui fait d'abord le choix des musiciens qui vont jouer sur le disque, ce qui est très très important, qui donne l'esprit de l'enregistrement, en l'occurrence travaille à l'ancienne, c'est-à-dire en mettant tous les musiciens ensemble dans une pièce avec le chanteur, et on enregistre les chansons tous ensemble. Et puis ensuite, c'est lui qui donne les indications pour savoir si les prises sont bonnes, s'il faut modifier certaines choses, les idées complémentaires, et qui échange avec Johnny. Et question sur idiote. L'esprit du disque, ils ont beaucoup passé de temps ensemble à discuter de ce que Johnny avait envie de ce disque. Est-ce que parfois ils ne sont pas d'accord en studio? Johnny, t'étais toujours d'accord avec ce que disait Don, ou tu as imposé des idées aussi à toi? J'ai souvent ne pas été d'accord avec des producteurs avec lesquels j'ai travaillé, mais avec Don, j'ai pas eu de problème. Non? Non, parce qu'on aime la même musique et ça a été formidable. You are saying that you love the same music, Johnny and you, oh, yeah. Don? Yeah, absolutely. Yeah. We were simpatico all the way through. There's never an argument, never a disagreement, and we had fun the whole time, man. It's great. Je pense qu'on aime la même musique que Don et moi, donc on n'a pas eu de problème là-dessus. Alors, on n'a pas de traduction à faire parce qu'on a tous compris ce qu'il disait. Ce que je voudrais savoir aussi, c'est choisir un producteur comme ça, c'est pas prendre aussi un risque, parce que imaginons que le choix du producteur, au fil des sessions, il soit pas judicieux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? J'ai pas la réponse puisqu'on n'a pas eu à vivre ça. C'est notre sens. Non, mais voilà, c'est vrai. J'ai pas de réponse non plus parce que j'ai pas eu ce problème-là et que. Pour moi, c'était un bonheur de travailler avec Daloise et j'espère refaire d'autres albums avec Daloise. Alors, voilà. Quels sont les musiciens qui ont joué en studio avec vous? Who are the musicians who are surrounding you in studio? Oh, well, there were some great musicians. It's a combination of French and American musicians. A great Charlie Drayton is playing drums, and he. I asked him to stay with me in the band. Anyway. Oh, that's a good call, man. Because he's one of the best drummers I've ever heard. I first recorded with him. I produced a record called Love Shack by the B-52s in the 80s, and he played drums on that. And so I've known him for a very long time. And he was in Keith Richards' band, the Expensive Winos, too. And so. Le batteur, I'm gonna translate name by name. So, le batteur s'appelle Charlie Drayton. C'est un garçon à qui Johnny a demandé de rejoindre le groupe pour la suite des événements. Que Don connaît depuis très très longtemps, qui a entre autres joué sur Love Shack et B-52s et qui a été le bassiste et le batteur de Keith Richards dans les Expensive Winos. And then Rami Jaffe, who plays with the Foo Fighters, and it was in the Wallflowers. He's playing keyboards, and Audley Freed, who I met him when he was playing with the Black Crowes, great guitar player. He played guitar on it. You produced a Black Crowes album. I did, Lions. As well as B-52s too. Yeah. And let's see, who else? Laurent. Laurent, oui. Rémi Jaffe, qui est actuellement l'organiste des Foo Fighters et qui a été un des cofondateurs des Wallflowers, qui joue donc de l'orgamon. Audley Freed, qui joue le principal des guitares sur l'album, et qui était un des membres des Black Crowes, et qui maintenant est un membre du groupe de Sheryl Crow. Un bassiste français qui s'appelle Laurent Verneret. And Laurent Verneret. Yeah. Amazing bass player from Paris. He came over and played, and he's just as great as anybody in the world. And Yolis Maxime Nucci, he played guitar and wrote some of the songs, really good songs. The sax man. Oh yes, yeah, and David McMurray, saxophone player, who he just came from Kid Rock, but I've been playing with him since Was Not Was in 1974. And then I took him my band. I stole him from Kid Rock in my band. Okay, il y a un bon nombre de chansons d'albums qui ont été écrites par Yodelis qui est venu jouer de la guitare sur ces titres. Et un saxophoniste qui s'appelle David McMurray qui exceptionnel. Est exceptionnel. Que j'ai volé à Kid Rock qui est maintenant dans mon groupe. Johnny, il est bagarreur, Kid Rock. Il va venir te casser la figure. Bon, alors Johnny, tu étais heureux avec tous ces musiciens en studio. Ça, c'est j'ai passé un moment extraordinaire. J'ai passé un moment vraiment de rêve. Voilà, et je voudrais que ça dure toujours comme ça, quoi. C'est exceptionnel d'avoir quelques titres à passer ce soir. L'album paraîtra quand ? Je me tourne vers le directeur artistique. Le 17 novembre. 17 novembre, le lendemain de mon anniversaire, sympa. Et puis, chez nous, sur RTL, on entendra Johnny avec ses quatre titres enregistrés le 15, avec notre ami Eric Jean-Jean. Et la veille, le 14, c'est celui que tu as reçu cet après-midi, Anthony Martin, qui nous fera écouter dans Laissez-vous tenter, l'interview de Johnny. Johnny, on t'aime à RTL, t'as compris. Hein. Oh, je sais bien, oui. Moi aussi, je vous aime. Hein. La preuve, je suis toujours là avec vous. Mais bien sûr, c'est une histoire d'amour entre Johnny et RTL. Et ça, on n'en est pas peu fiers. Vous écoutez Johnny de A à Z avec une rediffusion de Des Nocturnes qui datait de octobre 2013. Voici Regarde-nous. On a jeté tous nos rêves à la mer. On a vécu la descente aux enfers. On a trop dit les mots qu'on aurait dû. Le temps jouait contre nous. On a brûlé la flamme jusqu'au bout. On a détruit ce qui nous tenait debout. Ça, vous connaissez, puisque c'est sur l'antenne de RTL depuis déjà un certain temps. Sébastien est venu de mon côté, là, parce que moi, je suis côté technique. Dis-moi, comment ça se passe ce soir? Toi qui as l'habitude de te promener avec eux en ville, comme on dit. Non, mais là, c'est fabuleux. C'est incroyable. Hein. Tous ensemble, et Johnny qui fait ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire écouter la musique qu'il aime. Écouter de la musique et être dans ce qu'il a envie d'être. C'est le rock'n'roll et ses potes. Et voilà. Alors, tu nous fais. Tout à l'heure, on s'est planté. Enfin, ils se sont plantés. Non, on s'est pas planté. On s'est fait avoir par le producteur qui a voulu jouer un autre titre que celui dont on avait parlé. Il a joué Café de l'Avenir, en fait. Donc, tout le monde l'a eu. Voilà. Et là, on va jouer vraiment Rester Vivant, qui est le titre de la tournée, le titre qu'on veut mettre en avant. Voilà. Donc, on n'a pas trop bu, on est bien, on est clean, hein, mais parfois on se trompe. Est-ce que qui envoie le disque alors? Mais Don, il me regarde. Are you ready to play Rester Vivant? Ok. Press the right button this time. Maybe it's gonna be wrong another time. C'est pas moi, j'ai rien fait. Hein. That's it. C'est celui-là. Merci, yeah. Don. Merci. Tout ça depuis le Mac de notre ami Don Rose. Dire qu'il y a une certaine ambiance dans le studio, c'est assez incroyable. Vouloir s'aventurer, laisser l'envie nous brûler, être deux, tout se donner jusqu'à sa liberté. Un bout de temps avant Down with the Sound, bravo, félicitations. Johnny, tu peux être fier de cet album, c'est un saxophoniste extraordinaire, une chanson géniale. Qui a écrit les paroles de cette chanson? Écoute, déjà, qui a écrit la musique, déjà c'est Yarol Poupeau. Ah oui. Ouais. C'est une belle référence déjà. Oui, oui. Ouais. Et Rester vivant, c'est une idée de qui ça, le thème? Non, c'est pas le thème de l'album, enfin, mais disons qu'on a choisi ce titre-là parce que ça correspondait à la tournée que je faisais, ça correspondait à l'album. Et puis finalement, bon, c'est vrai que Rester vivant, ça me correspond très bien, quoi. What a saxophone player, Don. What a sax, what a sound. He's amazing. Yeah. He's amazing. Il est étonnant, ce saxophoniste. Mais c'est un album rock, rhythm and blues, country et ballade, cet album. Et je suis très fier de cet album. Alors, me rappelle, Johnny, quand tu étais venu il y a un an et demi, tu m'avais parlé de Garth Brooks. Pardon? Tu m'avais parlé de Garth Brooks. Oui. Et Garth, je me suis aperçu que Don avait travaillé avec lui. Tu le savais, ça? Non, je savais pas. Parce que moi, je connais Don à travers U2, à travers les Rolling Stones, à travers... Mais je ne savais pas. You work with Garth Brooks? Yeah. I love Garth Brooks. Do you? Yeah. Oh, I love him. He just recorded a new album, you know that. Did. Il yeah. revient, he's back now. Yeah, no, he's great. Garth Brooks is amazing, yeah. What have you done with him? Because it's a very special record that you did with him. En gros, en français, je vais expliquer, c'est un disque très différent. You know why I say that? Because when I came here a year and a half, he said, I told him about Garth Brooks that I love very much. Mm-hmm. And he just told me that you worked with him. And yes. You worked with him. Yeah. And I love that guy. Yes. Yeah, yes. It's great. He's a really good guy. It was a very strange record. Yeah. Can you explain it? Yes. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce disque est bizarre avec Garth Brooks? Okay. So, on va d'ailleurs montrer la pochette à Johnny. All right. So, Garth was going to make a movie in which he played a rock and roll singer who got alors, murdered. Garth allait faire un film où il jouait le rôle d'un chanteur de rock and roll. Mm-hmm. But he was afraid that the audience would not accept him as an mais actor. Il avait peur que l'audience ne l'accepterait pas comme acteur. So, alors, so he decided he would do the character's greatest hits. Alors il a décidé de faire les caractères les best des meilleurs personnages. And we put the album out as the character 1 year before the movie came out. Et ils ont sorti les caractères un an avant la sortie du film. Alors il a tout changé. He changed his name, his yes. look, yes. he changed everything. But he played the character. The yeah. problem. Il a joué le caractère, mais le problème. Was that there was no movie. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de film. So everybody's like, what happened to Garth? Oh, alors, tout le monde a dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à Garth Brooks? How was he in studio, Garth? Oh, he's great, man. I know him very well, you know. Yeah, no, he's a wonderful guy. Je connais très, man. Très bien Garth. Yeah, yeah, no, we had a really good time doing it. And he's got a good heart, you know. Yeah. He's a very he nice knows guy. That now he's performing in The Wind in Las Vegas. Yeah, well, you know, now he's going back on tour. He's going to go all over the world on tour. On est en train de dire en anglais que Garth Brooks revient, il chante au Wind à Las Vegas. Garth Brooks est un chanteur de country américain extraordinaire. Moi, je l'ai vu dans le parc à New York. Central Park. En 1987. Moi, j'étais sur un bateau, il fallait acheter... Donc HBO pour voir le spectacle en direct, il y avait plus de 2 millions de personnes et c'était payant sur HBO. Donc on a vu son spectacle, c'était incroyable son spectacle. C'est la première fois qu'à New York il y avait un chanteur de country qui amenait autant de gens. Sans station de country à New York. Il n'y avait pas de station de country à l'époque. Oh oui, c'est vrai. Moi, je me rappellerai toute ma vie de ce concert. Oui, oui. Bah, je l'ai regardé à la télé. J'étais à Atlanta, ouais, moi. C'est vrai. C'était génial. On va l'écouter, Garth Brooks, avec un extrait. You want to hear a song that never went on the album, that's unreleased? Oh, yeah. This has never been played. Vous voulez écouter une chanson? Il a une pépite, là, encore. Bon, il y a une pépite. Bon, voilà. Dans son Mac, Don Was a des choses qu'on n'a jamais entendues. Et il m'a demandé si on voulait écouter quelque chose qui n'était pas sur cet album. I hope I don't play another song from Johnny's record that I'm not supposed to. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Johnny 2AZ avec une rediffusion d'une émission de Georges Lang et Nocturne. C'était en octobre 2014. Johnny est un invité, ainsi que Don Was pour l'album Restez Vivant. Voici de suite Garth Brooks. Pictures of Madonna naked, was checking it out. Just then my girlfriend came right through the door. Said she never pegged me for no scumbag before. Said she never wanted to see me anymore. And I still don't know why. I think I'm an alright guy. I think I'm an alright guy. Qui sort tout droit de l'ordinateur de notre ami Don Was. On peut dire que cette chanson n'existait toujours pas sur un album. Oh, yeah, c'est vraiment une exclusivité RTL en 2014. Je ne connais pas sa voix là. Well, it never c'est came vrai. Out that song. Yeah, ouais. But he was it was part of the character, yeah. The Chris Gaines character, yeah. From the movie. But that song, he's talking. You know, it's got kind of a controversial lyric, so he didn't include it. But it's good. Todd Snyder wrote that song. Mm-hmm. He's a great artist. On va peut-être traduire. Cette chanson est un inédit qui était sur l'album où Garth Brooks interprétait le caractère de Chris Gaines et qui a été écrite par Todd Snyder avec un texte un peu difficile et donc Garth Brooks controversé. Voilà. Merci. Et donc il a décidé de pas la sortir. Bon, mais vous devez l'entendre. C'est dommage parce que c'est une super chanson. It's a wise guy, Don. C'est un garçon très sage. Hein. Mm. Il prend pas de risques. Hein. Johnny, tu avais. Moi, non, mais moi j'adore Gainsbourg. Alors. Tu vas nous l'amener un jour dans le studio aussi. Si ben, j'aimerais bien, mais j'aimerais bien le rencontrer parce que j'ai jamais rencontré ce garçon et j'aime bien ce qu'il fait. Toi. Je vais te faire une petite confidence. Quand il était absolument inconnu à Nashville, moi j'allais souvent à un festival en juin. On avait demandé à ce que je l'interviewe. Moi, j'avais rencontré Gainsbourg, je ne savais rien de lui. Tu sais, en interview, ça se prépare, et là, j'ai rien préparé. Ouais. Et ce jour-là, il pleuvait des cordes, et il avait son chapeau, il était trempé. On a fait une interview, et il s'est toujours souvenu que j'étais le premier à l'avoir interviewé à Nashville. Et chaque fois que je le vois, que ce soit à Las Vegas, à Los Angeles, partout, quand il me voit, yo, George! I never forget. C'est génial. Il faut qu'il vienne en France, mais il est pas très connu, c'est vrai. Voilà. Mais c'est dommage qu'il soit moins connu en France parce que c'est un artiste vraiment, c'est un artiste formidable. Écoute, on ira à sa recherche tous les deux. Là, ouais, j'aimerais bien qu'on l'amène en France parce que c'est vraiment un artiste qu'il faut connaître. Quand on aime la country et puis la country et le rock and roll aussi parce que ce n'est pas qu'un chanteur de country, il chante aussi bon. De la country rock, quoi. Enfin, c'est un fou de Kiss. En plus, il adore Kiss. Ouais, c'est un super artiste. Moi, et il a appelé sa fille Taylor parce qu'il a une passion pour James Taylor. Du coup, il a appelé la gamine Taylor. On aime tous James Taylor. Hein, voilà. James Taylor qui sera d'ailleurs dans notre studio en janvier. Ben, vous lui direz bonjour pour moi. Et on y monte. Mes amitiés, j'aime beaucoup. Johnny, merci mille fois d'être passé. Merci. Je suis passé parce que c'était mon ami Don Oise qui était là et je voulais être là pour lui parce qu'il est américain, il parle pas français. Donc, bon, maintenant que je vous l'ai présenté, ben vous vous démerdez avec lui. Hein. Tu nous le laisses. Merci, Johnny. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Dans ta voiture, tu pourras nous écouter. On va passer de la très, très bonne musique. Et pour saluer ton départ, je te propose d'écouter Garth Brooks live avec une chanson qui s'appelle, elle a un nom à rallonge, And Going Down Till the Sun Comes Up. Sur RTL. Dans les... pris un petit peu de retard. Garth Brooks, Johnny nous a quittés, Don Woods est resté, ainsi que Bertrand Lamblot, le directeur artistique de Johnny. Sébastien, le manager de Johnny, va remonter, il a accompagné Johnny dans sa voiture rue Bayard. Nous continuons l'émission, et donc une spéciale avec Don Woods dans quelques instants. Don't move, ne bougez pas. Il est 2h53, ce qui veut dire que c'est la fin. Je voudrais que chacun, tous ceux qui restent dans ce studio, s'expriment un petit peu. On a passé 3 heures. D'abord, la première heure, c'était avec Johnny. Et je voudrais vraiment, from the bottom of my heart, du fond de mon cœur, comme on dit en français, mon cher Sébastien, te remercier. Parce que si Johnny était là ce soir, c'est grâce à toi, car il te suit. Il fait ce que tu lui dis de faire, en fait. Hein. C'est quelqu'un qu'on manage facilement ou pas? Dis-moi la vérité. Ouais, c'est quelqu'un qu'on manage facilement. Après, je vais te retourner le compliment, parce que s'il se passe tout ça aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à mon père qui a fait toute cette histoire à RTL et à toutes ces choses, et que vous m'avez tout appris par rapport à ça, et qu'aujourd'hui, si j'ai cette passion-là, c'est parce que vous m'avez appris tout ça depuis que je suis tout petit. Et voilà, on est très fiers d'avoir connu comme le disait Johnny, le petit garçon qui a grandi et qui est devenu le manager de l'idole des Français quand même. Et je vis quelque chose de fantastique avec cette personne et tout, mais l'histoire avec Don Woods est assez fantastique, parce que tout d'un coup, on a l'impression de se dire qu'on a rencontré le mec le plus cool de l'existence, quoi. C'est incroyable. On peut pas décrire ça à la radio. Il est tout le temps d'accord, souriant. In English, man. You're the coolest guy in earth. If we thank you, Don. No, I had a good fun. You're the coolest producer of the earth, you know. C'est vraiment une joie de te recevoir dans mon studio et un grand honneur. Thank you very much. Merci beaucoup. Dès que tu reviens à Paris, tu passes ici. Si tu reviens, j'en suis sûr, tu auras toujours ta place dans ce studio. Johnny a sa place, toi tu as la tienne aussi. Qu'est-ce qu'on va écouter pour terminer? On écoute un dernier titre de l'album. J'ai pas le droit de le mettre, mais on va le mettre quand même, parce que vous êtes un peu des privilégiés. Avec Warner, là, demain Non, tout va bien, t'inquiète pas. je garde tout non, ça. Non, parce qu'on a une masterclass avec Jimmy Page, avec eux, la semaine prochaine. Non, mais t'inquiète pas, tu n'auras aucun problème. Jimmy est un ami, il n'y a aucun souci. Non, mais par contre, on va mettre un titre qu'on aime particulièrement avec Bertrand Lamblot, qui mon ami, et Don, avec qui est le titre te manquait de l'album de Johnny, où c'est écrit par Jeanne Chéral, et c'est pas quelque chose de commun, parce que on pourrait pas forcément penser que Jeanne Chéral écrirait pour Johnny aujourd'hui, et le titre est assez exceptionnel, et c'est, on dirait un titre de, enfin, ça peut faire comme Jacques Brel ferait une chanson aujourd'hui, et on trouve ça assez fantastique, donc on avait envie de le passer, c'est quelque chose d'incroyable. C'est encore une fois une belle surprise, et je suis très fier de pouvoir accueillir ce nouveau morceau avant tout le monde, d'ailleurs, hein. On le passera plus, hein. Une fois. D'ailleurs, j'ai pas le disque, hein. Non, c'est vous qui avez le. Non, vous ne le passerez le plus. Non, non. Vous ne le passez que ce soir. Non, non. Ok. Promis, juré. Je partirai un soir quand tu m'aimeras encore. Je partirai d'ici pour raviver le feu, pour tracer de mémoire les contours de ton corps. Je partirai aussi pour le plaisir du jeu, te manquer, te manquer. Garderai pour toi le plus doux des silences. Je resterai des jours intraçables et muets. Je ferai de ma voix l'écho de mon absence et de tout cet amour. Sentiment parfait, te manquer, te manquer, je voudrais te manquer. J'inventerai loin de toi un exil volontaire, brisant ma solitude. l'exclusivité encore pour terminer ces nocturnes, un titre de Johnny qui figurera sur son prochain album qui sortira le 17 novembre. Merci Don Woe, thank you Don. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Merci beaucoup. Et merci notre ami le manager Sébastien Farran. On vient d'avoir une grande discussion à l'instant à propos de la filiation et de ce que l'on doit à qui. Merci à tous. En tout cas, bonne nuit. Demain, Double Country à partir de minuit, précédé de la collection teintée Beach Party. Plus personne n'a quelque chose à dire. Vous me regardez comme si j'allais vous dire quelque chose. De... Merci Johnny, en tout cas, d'avoir été là pendant la première heure. Merci à Laetitia. Merci Kelly d'avoir pris soin de nous. Et dans quelques instants, notre ami Laurent Ruquier pour le meilleur des grosses têtes. On y va, c'est parti. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z avec Johnny Hallyday. Dans les Nocturnes, c'était le 23 octobre 2014 pour le lancement de l'album Restez Vivant. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission et on se retrouve vendredi pour une émission live. Rendez-vous, ouais, je crois que ça c'est Bordeaux, hein, il me semble. Hein. Bordeaux du 2 juin 2013. Voilà, son et images. Bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt, ciao ciao.